fou de culture. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Laurent Constantin portera un pointera sa loupe, oui, vers l'UQTR dans Déchiffrons le campus. Et on vous apprendra comment mieux vivre votre vie avec les instructions d'assemblage. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 16 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. Malheureusement, elle se porte pas très bien. Donc, souhaitons-lui un prompt rétablissement. On est passé d'une émission où on devait avoir plein de monde, une émission où c'est pas mal juste moi et Laurent Constantin qui va être avec moi pour une bonne partie de l'émission. J'espère bien. On va voir tantôt. Il va commencer avec sa chronique Déchiffrons le campus dans quelques petites minutes. Plus tard, on a le poste d'écoute en fin d'émission. Même si Stéphanie n'est pas là, vous allez voir changer un petit peu la formule pour quand même faire le poste d'écoute et on aura entre les deux les instructions d'assemblage pour apprendre à mieux vivre notre vie. Mais avant ça, commençons en musique avec une pièce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendue. C'est celle de Choses sauvages. Voici l'épave trouée au 89 FM. C'est fou.

Rich Aquin et Want to Believe. Au retour à Assemblage Requis, on l'a dit, c'est les instructions d'assemblage. Vous voulez pas manquer ça parce que ça va vous aider à progresser, avancer et atteindre vos cibles. On est, je pense, fixé sur nos cibles. Telle une flèche qui se dirige vers le retour d'Assemblage Requis dans 2 minutes. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Requis. On est jeudi 16 octobre 2014. Toujours Mathieu Plante et toujours en compagnie de Laurent Constantin. Oui, monsieur. Oui. Et toi, t'es prêt à entendre mes bons conseils et peut-être me dire que mes conseils sont vraiment pas si bons que ça quand on y pense. On va voir, je t'écoute. On essaie, voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Non, mais ça marche pas. Ben écoute, moi, ça marche pas. Je vais vous apprendre, moi, comment mieux faire les choses dans votre vie de tous les jours. Laurent Constantin qui va m'aider à départager le bien du mal là-dedans. Commençons. Pour commencer, okay, on va y aller avec quelque chose de bien simple. Aller aux toilettes. Oui, c'est de même. On fait ça, tout le monde. On n'a pas besoin de se cacher. Mais des fois, on veut se cacher parce que ça sent mauvais. Oh, ah, OK. Donc, on est chez quelqu'un, on est chez un ami, peu importe, qui nous a invités avec toute la grâce, la générosité du monde. Mais là, tu viens d'empester sa salle de bain. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Sur Reddit, Rather Tall, une petite concoction facile à faire pour masquer les odeurs lorsqu'on est chez quelqu'un d'autre. Concoction. C'est de remplir le lavabo d'eau chaude et de mettre un petit peu de soit du shampoing, du revitalisant, de la pâte à dents, du rince-bouche, peu importe ce qu'ils ont dans la pièce qui sent habituellement bon, mais qui sent en tant que tel pas le parfum. Ça sent juste ce que tu sentirais de toute façon dans la salle de bain, c'est des odeurs communes. Donc tu splish-splash un petit peu ça dans l'eau chaude, l'eau la plus chaude possible, et tu laisses ça s'évader dans l'air et ça prend vraiment pas tant de temps que ça. C'est juste très important d'avoir de l'eau chaude et un peu de quelque chose qui sent bon. Donc ça paraîtra pas du tout parce que c'est des odeurs qu'on a déjà, juste un petit peu plus fortes. Ah, une belle marmite de sorcière. Une marmite de... C'est ça. Faites ça pour l'Halloween. Pensez ça aux enfants. Un peu de rince-bouche. Donnez-leur des... Un peu comme à l'hôtel, on aime bien ça voler les petits savons. Mm-hmm. Donnez ça aux enfants à l'Halloween. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, ça, c'est pas un conseil à suivre. Pour s'assurer que votre crème glacée reste fraîche, mettez du papier parchemin dessus. Est-ce que tu as déjà eu l'expérience d'avoir des petits cristaux de glace sur ta crème glacée? Ben oui, ça m'arrive tout le temps, Mathieu. C'est déplaisant, ça! Il va falloir que tu grattes ça, que tu enlèves ça pour aller en dessous prendre ton bon stuff de... Avec la bonne Quaticook en plus. Ah, c'est bon. C'est vrai qu'elle est bonne, la Quaticook. Ouais, mais quand t'as des cristaux de glace, hein, j'en reviens pas. Et cristaux de glace, là, c'est un nouveau sacre. Donc, c'est simple. Pour éviter un peu cette couche de cristaux de glace, c'est de mettre... Il y aurait évidemment le conseil très connu de mettre sa crème glacée dans des sacs de congélateur, mais ça, je pense que c'est trop compliqué pour le commun des mortels. Donc, à la place, c'est de mettre juste une petite couche de papier parchemin par-dessus. Ça va pas, évidemment, empêcher les cristaux après plusieurs semaines, mais ça va au moins aider à ralentir la formation de ces cristaux-là jusqu'à temps que tu ailles te chercher une autre cuillère de crème glacée, c'est-à-dire le lendemain, ou sur le lendemain dans mon cas. Et un autre avantage de cette méthode-là, c'est que ça empêche la crème glacée d'absorber les odeurs du congélateur. Ah ouais, pour pas que ça sente un petit peu le bâtonnet de poisson. Ben là. C'est ça, parce que c'est bien bon la crème glacée au poisson, mais si c'était si bon que ça, il en ferait à base. Petite barbe à papa au poisson, moins sûr. Voilà, voilà. Donc une très bonne façon aussi d'utiliser son papier parchemin que peut-être que tu as fait des retailles pour, je sais pas, il en reste un bout, puis à la place de le jeter, tu le mets dans ta crème glacée. Oui. Ensuite, pour faire pousser les plantes, là, c'est vraiment des conseils de ma tante, un petit peu, je trouve, celui-là. Ah, j'aime ça. T'aimes ça, les conseils? Ouais, moi, je te pousse vert. Oui, t'aimes les ma tante, t'aimes les cougars. Non, c'était pas non, ça vraiment que je voulais dire. Donc, pour aider vos plantes à pousser un petit peu, c'est en utilisant du club soda. pas le bar. Oui, pas le crème soda, mais bien le club soda. Exactement. Celui, genre, que tu te trompes et que tu trouves que ça goûte pas bon. Tout le monde au moins fait ça une fois, oui. D'acheter du club soda à la place du crème soda. Donc, la raison pour laquelle le club soda, c'est meilleur, c'est mieux pour vos plantes, pour les faire pousser, c'est que ça contient du phosphate et d'autres nutriments qui vont aider à enrichir le sol et à promouvoir donc l'expansion de vos plantes. Dans une étude de l'Université du Colorado à Boulder, les chercheurs nous apprennent que les plantes qui reçoivent de cette eau carbonisée, qu'on dit, je crois, ces plantes-là ont poussé 170% plus par rapport à leur grandeur originale, comparé à 67% pour les plantes qui avaient reçu que de l'eau du robinet. Les plantes nourries au club soda ont développé aussi une meilleure nuance de vert. Elles étaient vert plus santé, on dirait. Selon le blog Gardening Know-How, donc vous devriez lui donner seulement du club soda et, comme tu as dit, pas du crème soda ou encore juste de la liqueur normale ou peu importe, les eaux gazéifiées à saveur de raisin, parce qu'il y a du sucre là-dedans, Colin. Ça s'applique pas aux humains, par contre, je pense, là. Du phosphate pour avoir un teint plus vert, non, il faut pas. Puis s'il fallait boire du club soda, je te dis que le goût est plate là-dedans. Mais mélanger avec d'autres choses. Oui, mais se pincer le nez, pleurer, puis en boire, je pense que ça fonctionne. Voilà. Ensuite, effacez vos informations de paiement pour réduire les achats par impulsion totale. Tu sais, quand tu es sur Amazon ou eBay, le « buy it now » est bien proche, puis ping, ping, ta carte de crédit déjà rentrée. « Buy it now », boum, boum. Donc, acheter des trucs sur Internet, c'est beaucoup trop facile. C'est donc normal de finir avec des dettes. Parce que c'est trop simple. En effaçant vos infos de carte de crédit ou même juste jamais les sauvegarder à la base, va faire que ça va prendre un petit peu plus de temps pour acheter quelque chose. Et des fois, ce petit moment-là est tout ce qu'il te faut pour y penser. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un gadget? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette autre paire de souliers? Pour moi, la réponse serait toujours oui, même si j'y pensais. Mais peut-être que ça pourrait vous aider à calmer un peu vos dépenses. C'est vrai que c'est décourageant de voir se lever, aller chercher sa carte de crédit, tu sais, puis devoir réentrer les 12 numéros. Non, mais c'est long, là. C'est long. Puis le petit code en arrière, puis ta date de péremption. De ta carte. Puis, suis-je vraiment le titulaire de cette carte? C'est non, ça. Donc, plein de raisons de ne pas dépenser, peut-être, en mettant pas vos infos de carte de crédit en ligne. On reste sur les cartes. En utilisant des cartes cadeaux pour limiter vos budgets de divertissement, tout le monde a un budget dans la vie, en tout cas ceux qui sont moyennement responsables. Et de nos jours, il y a des cartes cadeaux pour à peu près chaque magasin ou chaque domaine au moins, chaque service qu'on pourrait avoir besoin, que ce soit de la musique, des livres, des appels téléphoniques, même il y a tout le temps une carte cadeau. Et malgré le nom carte cadeau, tu n'es pas obligé de les donner en cadeau. Hein? Ah non, tu peux aller dans un. Tu peux te prendre un budget, par exemple, je sais pas, tu vas te dire j'ai droit à 30$ sur iTunes. Bon, mais tu vas aller t'acheter une carte iTunes, 30$. J'ai droit à, tu sais, des vêtements pour, je sais pas, 100$, peu importe. Tu vas t'acheter une carte cadeau de 100$ dans un magasin de vêtements. Et ça va t'assurer, si tu laisses ta carte de crédit à la maison, de tout le temps avoir ce budget-là. Et en plus, c'est que la carte cadeau. Elle continue de mois en mois, donc si tu ne l'as pas dépensé dans le mois d'avant, ben, tu t'en rajoutes 100$ le mois d'après. Dans ton compte, peu importe, Desjardins, tu te donnes un petit 100 sur ta carte cadeau prépayée. Moi, j'ai une carte prépayée Visa. Ça fonctionne sur le même principe. C'est super cool. Ça permet de respecter ses dépenses. Mais par contre, Mathieu Plante, j'ai vu dans une entrevue à La Facture dernièrement que certaines cartes cadeaux peuvent être problématiques puisqu'elles peuvent réduire de 5% de valeur environ, je crois, par mois de non-utilisation, c'est-à-dire un espèce de frais administratif. Donc, on se demandait, non, votre carte cadeau ne vaut plus que 50$. Est-ce normal? Oui, ça peut être normal si vous ne l'avez pas utilisé en un an, deux ans. OK, c'est quand on s'en sert pas. Donc là, ce serait de s'en servir à chaque... Ouais, ou du moins, c'est ça, de l'utiliser le plus vite possible. D'accord. Mais sinon, moi, je pense qu'encore mieux, c'est ma façon de faire depuis quelques mois, depuis le début de l'été. C'est, comme je t'ai dit, la carte Visa prépayée, ça existe. Demandez-la. Okay. C'est genre 7$ par année. Demandez-la. 1 800. Donc, c'est genre 7$ par année. Okay. Et il n'y a absolument aucun autre frais. Tu mets l'argent que tu veux dessus et ça fonctionne comme une carte Visa partout où Visa est accepté. Ouais. C'est juste que c'est à la place d'être à rebours, donc de payer après, tu payes avant. C'est super bien fait. Bref, sachez-le et demandez-la. Comment faire maintenant vos propres nouilles ramen? Là, ça me touche un petit peu plus. Là. Les nouilles ramen qui sont meilleures que les instantanées et pour moins cher. Ah oui? Pour moins cher. Tu sais, les ramen instantanés, ce n'est qu'un nombre des nouilles qu'on pourrait avoir dans les vraies boutiques, les vrais restaurants de ramen, les boutiques asiatiques. Maintenant, vous pouvez en faire des meilleurs encore sur le blog Not Quite Nigella. Lorraine Elliott nous montre comment faire cette recette-là. Il faut, entre autres, de la farine, du sel, de l'eau. Elle recommande d'utiliser de l'eau de lye, donc lye water, ce qu'on appelle LYE. C'est disponible dans pas mal toutes les boutiques asiatiques et les magasins de nourriture du monde. ou sinon du kansui, K-A-N-S-U-I, ce qui donne la texture mâchouillante qu'on connaît des vraies nouilles asiatiques. Dans les vrais restaurants. Et sa couleur aussi. Trouvez ce produit-là. Et sinon, si vous ne trouvez pas de lye water, vous pouvez substituer ça avec des œufs et du bicarbonate de soude. Ah! Ouais. Et c'est le plus facile, c'est si vous avez votre propre machine à pâte pour couper les nouilles. Mais si vous avez la patience, vous pouvez tout faire ça à la main. La recette est sur assemblagerequis.com. Évidemment, moi, je mangerai des ramen tous les jours de la semaine. Je me suis jamais tanné encore des ramen. C'est peut-être le goût de glutamate de sodium qui t'intéresse aussi. Probablement, c'est ça. C'est justement un bon point dans les ramen d'épicerie, les agents de conservation. Les légumes sont pleins de trucs là-dedans. Ouais, c'est des petits légumes desséchés qui deviennent frais à merveille en achetant de l'eau chaude. Par magie, c'est comme les petits dinosaures dans le griot. Ça pousse, ces histoires. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas aussi bon que les vrais. On parle souvent de comment faire fondre son beurre de la meilleure façon ou le plus efficacement possible. Une autre façon serait de les mettre sur des cure-dents, vos blocs de beurre. Donc, si ton beurre n'est pas assez mou en sortant du frigo, et tu veux le passer au micro-ondes, ça se met à fondre, ça fait un jus de beurre, c'est pas ce qu'on veut. Donc, Joseph Spalinka nous montre comment mettre... En fait, c'est assez simple comme technique, il n'y a pas besoin de nous le montrer, mais c'est de mettre des cure-dents pour faire un trépied. À son petit bloc de beurre, c'est quand même simple. On utilise la méthode du trépied. On met le micro-ondes à n'importe quelle durée, peu importe, en tant qu'on reste devant. Et on regarde, on surveille attentivement le micro-ondes jusqu'à ce que le trépied s'adoucisse et que tout tombe sous le propre poids du beurre. Et le résultat, c'est donc un beurre facile à tartiner. Ah, un trépied qui s'affaisse. Pas pire, hein? Poupi, pas en tout. Ça élimine aussi le problème de comment dire... de chaleur variable entre différents micro-ondes, vu que t'as pas vraiment donné une durée spécifique. Des fois, on va dire, mets ça pendant 15 secondes ou 20 secondes. Ça dépend de la force de ton micro-ondes. On revient dans la salle de bain. Tout finit par revenir à la salle de bain dans la vie. C'est comment rafraîchir votre salle de bain facilement. Façon non toxique, facile à réaliser, sans aucun dégât, pour que votre salle de bain sente meilleure. C'est donc d'utiliser... c'est l'utilisateur de YouTube Clean My Space qui nous suggère ce truc-là, d'ajouter à l'intérieur du rouleau quelques petites gouttes d'huile essentielle. Environ 5 à 6 gouttes. On peut varier ça dépendant de la grandeur de votre salle de bain. Mais les huiles essentielles vont complètement cacher les odeurs à chaque fois que tu vas prendre du papier de toilette. Fantastique. Et beaucoup plus simple à faire que d'acheter les petits trucs à rouleau, le genre de Glade ou peu importe, qui remplace le rouleau, le milieu du rouleau. Ensuite, on revient à la nourriture pour faire des popsicles qui vont fondre plus lentement avec de la gélatine. OK. La saison des popsicles se termine. On sait, mais ça veut pas dire qu'on peut pas l'étirer un petit peu. Eh oui. La fin de semaine, un petit popsicle, refus. Pourquoi pas? Donc, Amber Lou chez The Paisley Cake nous partage ce petit tuyau. D'ajouter un paquet de Jell-O à votre jus que vous allez utiliser pour faire vos popsicles dans votre congélateur. La gélatine qui est l'ingrédient principal dans les popsicles qui fondent lentement. Ceux qu'on trouve à l'épicerie qui sont marqués fondent lentement. Ah, OK. C'est la gélatine qui va... C'est très rare que ça m'arrive d'éternuer en ondes. Oh! Très, très rare. T'es vraiment privilégié en ce moment, là. C'est peut-être moi, je suis désolé. Peut-être. C'est peut-être le parfum d'huile essentielle de ton papier de toilette. C'est mieux, ça. Donc, en plus de réduire les chances de faire des tâches, la gélatine ajoutée devrait aussi améliorer la texture et la consistance du popsicle. Et pour l'option végétarienne, chez Popsicaholic, on suggère d'ajouter du agar ou du carrageenan, mais je ne connais pas ces ingrédients-là. De l'agar-agar, c'est une espèce de gélatine naturelle. C'est utilisé dans une petite épicerie naturelle. Oui, et je pense même qu'on est allé dans un magasin de jujubes récemment, on est allé dans un magasin qui s'appelle Squish, c'était avec Stéphanie Paradis. si vous voulez vraiment savoir, bande de petits pis. On disait qu'il y avait des jujubes justement végétaliens. Et je crois que c'était fait avec ce truc d'agar-là. Ah, l'agar-agar. L'agar-agar. Donc voilà, sachez-le. C'était peut-être des jupes halal aussi, hein, si on sait jamais. Là, des fois, la gélatine est d'origine porcine. Là. Donc voilà, plus besoin de prendre les filtres à café ou les autres conseils qu'on a déjà dit pour empêcher vos popsicles de couler. On avait dit de mettre des filtres à café dans le bâton. On avait dit des bouts de verre de styromousse, des trucs comme ça, des trucs amorphènes. Non, à la place de la gélatine ou de l'agar-agar. Un popsicle autoporteur. Exactement. Ouais. C'est ça. Utilisez maintenant du spray genre à la PAM sur une porte de la vaisselle pour éviter les dégâts. Ouais, bizarre. Ah, OK, ouais, j'essaie de me visualiser pourquoi, mais... Ouais, ben le spray à cuisson, dans le fond, ça va évidemment rendre plus facile d'enlever la graisse dans votre poêle, ça c'est sûr, mais chez The Kitchen, le petit truc, c'est de, pour rendre le nettoyage plus facile, d'ouvrir votre porte de lave-vaisselle et de mettre du spray à cuisson dessus. Étant donné que le lave-vaisselle est fait pour, évidemment, se débarrasser de la saleté, c'est aussi une bonne surface... à ne pas avoir à nettoyer. Par exemple, si tu, mettons, tu fais de la cuisine, tu pourrais le faire au-dessus. Mettons, je sais pas, faire différentes affaires qui pourraient être plus sales par-dessus ta porte. Et étant donné qu'elle a été recouverte de PAM, quand tu vas partir de la vaisselle, ça va être plus facile de nettoyer ta porte. Donc, tu as comme deux conseils en un, de faire des affaires plus sales au-dessus de ta porte de la vaisselle et en plus de rendre le nettoyage plus facile avec du PAM. J'aime ça faire des choses au-dessus de ma porte de la vaisselle. Ah, vous pourriez faire tellement de choses au-dessus de la porte de votre lave-vaisselle, mais ça, c'est à vous de voir. Ensuite, on retourne au congélateur en mettant un petit peu d'huile à cuisson dans votre congélateur pour empêcher la glace de pogner. Ah. Tu sais, quand la glace pogne dans ton congélateur, le défrostage est un petit peu long. Oui. C'est plate. Donc, un petit peu d'huile à cuisson. Avant, ça va rendre le nettoyage plus facile. C'est sur howtocleanstuff.net qui recommande de faire ça. C'est à peu près ça. Donc, vous pouvez y aller avec quelque chose qui n'a pas de saveur, bien sûr, pour ne pas commencer à avoir de l'odeur de votre huile pour cuisson. Ou sinon, vous pouvez prendre de la glycérine aussi. Donc, ça va empêcher la glace de coller au mur. C'est simple, c'est comme ça. On peut aussi utiliser la même méthode pour empêcher les portes de voitures de geler. C'est pas fou. Et de l'huile à cuisson. Serrure aussi. Ouais, exactement. Ensuite, tu te demandes avec quoi porter un certain vêtement. Tu as un vêtement que tu aimes beaucoup sur les pantalons, par-dessus ou peu importe. Tu veux le matcher avec quelque chose d'autre. Donc, on a tous un vêtement comme ça qu'on a de la difficulté à coupler. Ouais, ben tiens, je te dis, c'est sur le blog I Am Alpha M qui nous donne ce petit truc-là. C'est d'utiliser Google Images pour trouver quelque chose pour aller avec. Donc, il explique en détail dans la petite vidéo sur assemblagerequis.com, mais l'idée est quand même simple, c'est de prendre une paire, mettons, je sais pas, de tes pantalons rouges, de ta chemise mauve, de mettre ça dans Google Images, et le résultat va bien sûr être complètement mélangé, mais étant donné que Google est très très bon avec son algorithme pour détecter le contenu des images, il va vous trouver un ensemble complet. Ah, ben super ça. Je pense que c'est un meilleur conseil que de regarder dans un manuel de mathématiques des années 90. Dans un catalogue Sears de Noël. Donc, Google Images. Ensuite, utilisez votre téléphone ou votre tablette pour vous séparer des tâches distrayantes. Il y a bien des chances dans une journée que vous ayez travaillé sur une combinaison d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, de téléphone, de tablette, mais votre petit écran avec vous pourrait aider votre productivité en utilisant les petits écrans pour les tâches distrayantes. C'est une suggestion de Wired d'utiliser différents appareils pour différentes choses. Par exemple, tu pourrais avoir tes courriels, ta messagerie instantanée, ton travail général sur ton gros ordinateur. Et si tu dois regarder tout le temps ton téléphone, ça va te distraire, tu ne seras plus dans ta position. Donc, ça va être plus naturel d'y revenir. Donc, si tu utilises ton téléphone pour des choses distrayantes comme Facebook à la place, là, ça va renforcer le fait que ton ordinateur de bureau, est là pour travailler, non pas pour jouer. Aha. Donc, à la place d'avoir tes courriels sur ton Facebook et tout le temps sortir de ta position normale, tes courriels sur le gros ordinateur, Facebook sur le petit, et chacun pour sa propre tâche, ça va vraiment plus productif. Dépendant de votre utilisation et de ce que vous avez à faire comme travail, évidemment. Donc, faut se l'adapter à chaque personne. C'est un bon conditionnement, mais ça peut engendrer certains coûts aussi, j'imagine. Aussi, c'est sûr que si t'as pas le Wi-Fi sur ton iPhone... Moi, j'ai juste un seul ordinateur, tu sais. Il faut que j'en achète un deuxième. Faut que tu dises ça à ton boss. Faut que tu me rendes plus productif en achetant un petit appareil, je pense. Très bien. Ensuite, utilisez le coût du pain, de la bière et du lait pour comprendre les prix lorsque vous allez en vacances dans un autre pays. Okay. Un pays étranger, donc l'argent, évidemment, il faut faire la conversion dans sa tête, ça peut être difficile. Mais en se souvenant du prix des choses de tous les jours, vous pouvez facilement voir, relativement parlant, le coût de d'autres choses. Par exemple, évidemment, c'est sur BuzzFeed en passant, juste pour que vous sachiez. Les coûts sont fixes dans plusieurs pays. Vous allez pouvoir calculer combien de bière un repas va coûter. Mettons, si la bière coûte, je sais pas, là-bas, peu importe ce serait 5 pièces d'or. Hein? Oui, 5 sesterces. C'est ça. Et si donc le repas coûte 20 pièces d'or, vous allez savoir que c'est 5, 10, 15, 20, 4 fois plus cher qu'une bière. Et là, vous allez pouvoir faire votre propre conversion en argent canadien, si vous voulez. Oh, ça, c'est comme un peu la tactique Big Mac, là, que l'inflation suit tout le temps le prix du Big Mac. Même que je pense que le Big Mac serait probablement un meilleur conseil, parce qu'en tant que tel, il y a des pays où le lait, par exemple, est plus cher dans les pays où ça fait pas partie de la diète locale. Oui, tout à fait. Comme on dit sur BuzzFeed, donc la bière va être plus chère dans des pays qui ont des lois plus strictes aussi. Uh-huh. Donc évidemment, c'est des produits qu'il faut faire attention. Peut-être qu'un Big Mac... On se concentre. Moi, je bois de la bière belge. Là. C'est sûr qu'en Belgique, elle va être moins chère. C'est vrai, ça. C'est un bon point, ça. C'est vrai. Laurent Constantin. Faites-vous un petit rendez-vous anti-procrastination pour attaquer, oui, vos tâches que vous n'avez pas envie de faire. T'sais, on a tous des tâches qu'on veut éviter, là, la paperasse, les comptes, etc. Chez Asian Efficiency. OK. C'est un blog stéréotypé, je trouve pas mal, l'efficacité asiatique. Mais il recommande donc de se mettre un petit rendez-vous anti-procrastination où on fait toutes ces tâches-là, rien d'autre. OK. Absolument rien d'autre. Donc, on va se trancher une petite case horaire dans la vie et on va travailler sur tout. Que ce soit prendre ses rendez-vous chez la coiffeuse, mettons. Okay. Que ce soit pour aller faire tondre son chat. Tous ces rendez-vous-là que je dois faire, je vais faire ça demain. T'sais. Mais on va peut-être procrastiner cette période-là en disant non, finalement, la période, je vais la faire demain. C'est là, ça. Finalement, après-demain. Non, il faut se mettre une alarme, il faut vraiment le faire. Donc, c'est ça. Même si vous êtes assis devant votre PowerPoint pendant 20 minutes, avant d'avancer un petit peu. Éventuellement, l'inspiration va venir avec la frustration de vouloir terminer, continuer, persévérer pendant ce bloc de temps qui vous est réservé. L'article a d'autres conseils pour les anti... pour anti-procrastiner, je pense, on pourrait dire. C'est bon, ça? Ouais. Sur assemblagerequis.com. On va arrêter un petit instant pour pouvoir continuer mieux tantôt. Oh. On va l'entendre une pièce de musique de notre ami Fanny Bloom. Voici Samy. Samy. Sourcil fou. Des fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout de tes doigts. La lumière que je connaissais de toi. Oh Samy, Samy, je sais que les choses ont changé. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller. Mais je ne comprends. J'ai décidé de ce qui ne m'appartenait plus. Et j'ai fait ça pour toi. Samy, Samy de Fanny Bloom, Assemblage Rookie. Maintenant, on revient aux instructions d'assemblage et je pense qu'on aime tellement l'intro qu'on la rejoue. Oui, c'est le fun. Oui, je la veux. Oui, OK. Les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. C'est toujours les instructions d'assemblage où on apprend à mieux vivre. Quelques petits trucs, c'est des fois la ligne est mince entre les trucs qui sont bons pour les étudiants et les gens normaux comme toi et moi, Laurent Constantin. Ouais, on est des gens normaux. Normaux. Et les conseils à la Madame Chastache, genre à Salut Bonjour. Oui. On essaie de trouver la ligne entre les deux et rester du côté du commun des mortels. Par exemple, toi, je sais que t'es tout en train de te brosser les cheveux parce que t'as une crinière assez remarquable. Je me peigne les cheveux. Tu te peignes. Mais si tu te brossais les cheveux, peut-être que t'aurais. Jadis, de la poussière puis des déchets dans ta brosse, puis t'aimes pas ça, tu sais pas quoi faire avec ça. Ah, c'est un problème. T'es tout le temps en train d'enlever des cheveux de ta brosse, là. Hey, hein? C'est-tu dégueulasse, tout ça? La solution, oui. Ben, c'est une brosse à dents, la solution, ah. Laurent Constantin. Anita Malaya nous donne ces instructions-là. Donc, c'est après avoir enlevé, évidemment, les cheveux avec tes mains. Je pense que si on est capable de faire oui. ça. Sinon, on peut utiliser des ciseaux ou des pinces. Pour enlever les cheveux, des fois, quand ils sont vraiment pognés autour des pics de la brosse. Bref, ensuite, tu mets la brosse à cheveux dans un bol d'eau chaude. OK. Avec quelques gouttes de shampoing, OK, ou de savon à vaisselle. Tu vas ensuite frotter avec une brosse à dents. Tu vas laisser tremper et ensuite sécher. Tu vas faire ça une fois de temps en temps, j'imagine à quelques mois ou une fois par année. Oui, ou oui, du oui. printemps, mélange du printemps. Et ça va rendre ta brosse tout à fait neuve. Faites pas comme moi, l'acheter une autre. Hey, c'est le fun, ça. Puis en même temps, j'imagine que si t'as des poux, là, ça règle tout le problème. C'est exactement pour ça qu'on fait ça. Oui. Madame, merci Anita. Ouais, merci Anita. Ensuite, ça, c'est un conseil, je pense, plus pour les familles, je vous dirais, ou encore pour les colocs. Si vous avez un appartement sur deux étages, particulièrement, ça va vraiment vous aider. C'est de mettre des gros paniers, des crab baskets, comme on appelle, des paniers à cossins, dans les escaliers. Tu sais, personne ne veut monter okay. dans les escaliers. Et là, il y a plein d'affaires dans les escaliers. T'sais, les gens, des fois, vont laisser des affaires là pour les ramener. C'est dans les jambes, etc., etc. Et t'oublies tout le temps de ramener tes affaires en haut. Oui. T'sais, donc, mets un panier pour chaque personne. Et chaque personne va pouvoir avoir des affaires dedans à mettre et à amener en haut. Et peut-être que la règle pourrait être de tout le temps, quand tu montes l'escalier, tout le temps amener au moins un panier d'affaires qui doivent aller en haut. Donc, des petits crap baskets. Je pense qu'il y a un terme francophone pour ça. Panier à cossin. Un vide-poche. Un vide-poche. Oui, un vide-poche. Moi, je suis fan de vide-poche depuis toujours. Okay. Vous me connaissez, hein, ma verge dépasse l'entendement. Oh. Mais, hein? Quoi? C'est pas moi qui me vends. Ouais, ta verge, je sais pas, c'était bizarre comme terme. Bizarre comme... Mais vide-poche, t'arrives à la maison, tu mets tes clés, ton portefeuille, même ton téléphone, des fois. Tout ça va là-dedans pour le lendemain, vu qu'il est proche de la porte. Hein, c'est un vide-poche. Tu perdras pas. Tu te perds pas, t'oublies rien. C'est parfait. Très bon conseil à rajouter. Merci Laurent. Ensuite, utiliser une sonnerie silencieuse comme défaut pour minimiser les distractions. Tu sais, quand on met son téléphone sur vibration, des fois on manque des appels. C'est vrai. Donc, tu pourrais faire à la place de le mettre sur vibration tout le temps, tu le laisses allumer à ta sonnerie. Par contre, tu changes ta sonnerie dans ton téléphone pour un fichier MP3 avec rien dedans. Il y en a un sur assemblagerequis.com en lien. Donc, vous mettez. D'accord. Ouais. Et vous mettez dans votre iTunes, peu importe comment vous mettez vos sonneries, un son de rien pantoute, OK? Et la vibration. Les deux en même temps, OK? Et sur les personnes que tu veux vraiment recevoir, que tu veux entendre, mettons, je veux que Laurent Constantin, je l'entende tout le temps, lui, tu y mets sa propre sonnerie. Aha! Laurent Constantin, le garou du campus, etc. Tu sais, genre? Tu mets ça comme sonnerie. Ouais, ouais, ouais. Mais le reste du monde va être sur vibration, au lieu d'avoir tout le monde sur vibration. C'est correct, ça. Donc, prioriser tes appels. Prioriser, filtrer tes appels, comme on dit. Je trouve que le conseil est quand même assez intelligent. Maintenant, on revient au conseil un petit peu plus mainstream, facile, mais vous allez voir que ça vaut la peine pour un étudiant qui a souvent plusieurs condiments dans sa porte de réfrigérateur. On est bien sauce, je pense, les vins. Quatre sortes de moutarde tout le temps. Tout le temps, Dijon, mayonnaise, Dijonnaise, tu sais, au miel. Au miel. Mais les moutardes. Ensuite, donc, pour garder votre réfrigérateur propre, des condiments que vous devez des fois mettre à l'envers. Tu sais, les bouteilles, des fois, de moutarde, quand il en reste plus ben dedans, tu vas mettre à l'envers dans ton... Sinon, c'est l'enfer. c'est l'enfer, ça sort pas, puis quand ça finit par sortir, c'est tout de l'eau, c'est pas bon. Donc, tu le laisses à l'envers pour pouvoir, après ça, le brasser, puis c'est bien facile, après ça, de squirter ça sur ton hot dog. Mm-hmm. Hein? Mais c'est d'utiliser un rack à œufs. Donc, okay. un carton, un bas de carton d'œufs, évidemment, de la même grandeur que votre porte de frigo, parce qu'on met les œufs dans le... Oui. Donc, c'est déjà fait pour ça, presque, pour être dans le frigo. Vous coupez le dessus et vous mettez vos bouteilles de condiments tête en bas dans votre rack à œufs. Ah, fait que ça le tient. Ça le tient, puis ça fait pas de dégâts. S'il y a du dégât, ça tombe dans le rack à œufs. C'est pas magnifique, tout ça? Moi, je l'aime bien, celui-là, même s'il est bien facile à comprendre. Lavez, évidemment, vos vêtements moins souvent pour qu'ils durent plus longtemps. On a parlé dans des précédentes chroniques ici à Assemblage Requis, on nous dit qu'on lave nos vêtements trop souvent, c'est mauvais pour vos vêtements. Hein? Donc, c'est Wise Bread qui nous dit ça. Non seulement est-ce que laver vos vêtements trop souvent va gaspiller des ressources précieuses, comme de l'électricité hein? mm-hmm. et de l'eau. Il y a aussi plein d'autres affaires. Le détergent qui est utilisé, entre autres, va nuire à la nature. Hein? Les coûts, comme on l'a dit, d'eau et d'électricité, le temps, l'énergie que ça vous prend, l'impact négatif sur les vêtements qui, des fois, achetés dans des magasins un petit peu moins réputés, vont se déchirer, même dans le lavage, lorsque lavé trop souvent. Donc, c'est ça, on nous recommande d'inspecter nos vêtements avant de juste les lancer dans la laveuse ou dans le panier. C'est vraiment évident comme conseil, mais sachez-le. Des gens qui ont chaud et qui transpirent, ça... C'est sûr que... C'est pas l'épreuve de tout. C'est exactement ça. Ça dépend de votre physionomie et tout ça. Mm-hmm. C'est un chandail qui sent mauvais, même si on l'inspecte, il sent mauvais. C'est ça, exactement. Ça, je pense que c'est un petit peu plus une étape passée au-dessus de moi, je pense. C'est un petit peu trop pour moi. C'est d'écrire des recettes sur les pots. De mélange, ben pas de mélange, mais de différents ingrédients. Donc, par exemple, je sais pas, tiens, sur du sucre, comment t'appelles ça? Du sucre pour faire le truc. Okay, on va recommencer ça. Oui. Mettons, sur un mélange de chocolat chaud, okay. Vous avez dans un pot un mélange de chocolat chaud. Oui. Okay. Mais vous voulez faire un chocolat chaud fancy avec plus d'ingrédients. Okay. Vous allez écrire les ingrédients que ça vous prend sur le pot en crayon feutre. Okay. Pour que vous ayez la recette toujours facile d'accès à place d'avoir à aller chercher dans votre répertoire de recettes. C'est super matante comme conseil, n'est-ce pas? Quand même. Donc, quand vous allez manquer de votre ingrédient préféré, vous allez le savoir parce que c'est écrit sur le pot que vous avez besoin de notre face. C'est exactement ça. Donc, cherchez vos recettes préférées, écrivez-les au crayon feutre sur votre pot et faites-les matantes. Ensuite, pour réduire vos clés dans votre pantalon, tu sais, les pantalons, des fois, avec les pantalons serrés, tes clés vont te rentrer dans la cuisse, pas confortable. Tout le temps. Coupez la tête de vos clés et remplacez le tout par une vis. C'est une bonne idée, ça, quand même. Donc, vos clés ont... Ouais, c'est ça. Tu coupes la tête de ta clé parce que t'as pas vraiment besoin de la tête de ta clé. Ah, OK. Bout qui va dans la serrure, là. C'est ça que je demandais, l'autre bout, là. Donc, tu coupes la tête de la clé, tu fais un trou là-dedans, OK? Et tu remplaces ça avec une note. Comment on appelle ça? Une note. Une noix. Une noix. Et un écrou. Un écrou, exactement. C'est le système des écrous. Donc, vous allez remplacer ça, faire un trou dans vos bouts de clés qui vous restent et mettre ça dans votre poche. Et c'est super simple parce que le reste des clés, dans le fond, quand vous en avez, mettons, 3-4, les trois autres clés vont servir de... Tu vas pouvoir le tenir manuellement pour rentrer dans la serrure. Ben oui, vu que t'as plus la tête de ta clé. T'sais. Ben pas la tête, mais là. Très bien. L'autre côté. On peut porter des vêtements moins serrés. Aussi, je vous conseille. Ou les porter autour de notre cou, les clés. Oui. Ouais, c'est beau, ça. Ah oui. Ou les avaler. Et quand t'en as besoin, t'as juste à manger plus. Puis, C'est ça. Tu vas pouvoir ouvrir ta porte 24 heures plus tard. C'est ça, à peu près. peut-être, Laurent Constantin, respires-tu de façon inefficace? Je suis prêt à un diagnostic. Ouais, parce que c'est ça, tu sais, apprendre à mieux vivre, c'est d'apprendre à mieux respirer, qui est pas mal la base de la vie, je te dirais. Oui, tout à fait. Apprendre à mieux vivre ou juste apprendre à rester vivant, j'aurais pu dire que c'est le slogan de la chronique. Donc, tu peux améliorer ta santé en respirant mieux. C'est sur le blog Selfication qu'on nous explique une façon de respirer correctement. La façon la plus, la chose la plus importante à te retenir, c'est de respirer par le diaphragme. Hein? C'est ce que les chanteurs vont apprendre et c'est ce que les bébés font naturellement. Oui. C'est des respirations en profondeur qui donnent donc aux chanteurs et aux petits-enfants la possibilité de projeter leur voix plus loin, hein? Pour le meilleur ou pour le pire, dépendant si c'est un enfant ou un chanteur. Donc, bref, ça va ramasser plus d'oxygène et plus d'énergie en même temps. L'air que tu respires passe par ton nez, descend jusqu'à ton ventre, hein? Mais les muscles de la respiration, c'est le diaphragme et les muscles de l'abdomen, de la poitrine, du cou et des épaules. Donc, 70 à 80% de ce qu'on inhale devrait être fait par le diaphragme, OK? Donc, c'est des respirations très profondes. Ça a plusieurs avantages. Ça va aider les poumons avec l'échange de gaz, hein, ce qui est beaucoup plus efficace. De gaz. Le diaphragme va faire un massage à votre foie. Oh. Hein, oui, à l'estomac et aux intestins. Ça va donner à ces organes un rythme plus, dans le fond, plus balancé, plus équilibré. Ensuite, la pression dans la poitrine, dans le ventre, va descendre. Donc, le cœur n'aura pas à travailler aussi fort. Les muscles, le travail plus efficace des muscles, donc, alors que dans le fond, c'est que les muscles, c'est pas les mauvais muscles qui vont être utilisés pour la respiration, vu que tu vas utiliser les bons muscles en respirant par ton diaphragme. Bref. Et alors que la poitrine sera plus relaxée, le cou va être plus relaxé aussi, et les épaules, et ça va te donner moins de douleur dans ces endroits-là. Ah, oh, super. Donc, respirer comme Freddie Mercury et gage de santé. Exactement, comme et sa moustache aussi. Oui, demain, sa moustache respirait très bien, je trouvais. Souvent, quand il respirait, il sentait un peu ce qu'il y avait. À travers ses palettes aussi. Ses grosses palettes, exactement. Donc, on offre plusieurs conseils de respiration. C'est la clé de la méditation aussi. C'est la même façon qu'on va utiliser pour méditer. Très bien. Donc, sur assemblagerequis.com, le lien, il est là. On va se donner un conseil pour manger moins. Ça va être vraiment stupide, vous allez voir, c'est de baisser les lumières. Ah, OK. Sentir comme un petit peu en tête à tête. Ou... ouais, un petit peu romantique avec soi-même. Donc, la moitié du problème quand on est à la diète, c'est... C'est la lumière. C'est à peu près ce que ça veut dire. Mais c'est, dans le fond, c'est une façon de se convaincre qu'on est satisfait avec moins de nourriture en baissant les lumières. Selon une étude de Psychological Reports, les gens qui mangeaient dans une section remodelée, si on veut, du restaurant, donc avec des lumières plus tamisées, un environnement moins stressant, prenaient plus de temps à manger leur repas, et donc manger plus lentement. Et tu sais, après un certain bout de temps, c'est là qu'on se sent plein, même si on n'est pas... Je pense que c'est après 20 minutes, genre, qu'on commence à se sentir plein, même si on n'a pas... Le sentiment de satiété. Satiété, exactement. Donc, on va manger moins de calories en savourant plus son repas. Donc, l'ambiance étant moins intense, les gens ne sont pas aussi pressés à quitter la place. Donc, ils ont abaissé les lumières. Ils ont abaissé aussi le niveau de la musique et le choix musical dans le restaurant. Ça n'a pas changé ce que les gens commandaient, mais ça faisait que les gens mangeaient plus lentement et étaient plus satisfaits et plus heureux à la fin de leur repas. Eh bien... quand même, ça ne remplacera pas tout un régime, mais juste un petit changement dans votre vie pourrait aider. Ensuite, là, je vais t'apprendre quelque chose. En tout cas, je l'espère, Laurent Constantin. C'est d'habitude, on se dirait que pour éliminer les microbes, quand on se lave les mains, il faut absolument utiliser de l'eau la plus chaude possible. Oui. Tu t'es déjà sûrement dit. Ben, en fait, quand j'étais enfant, je me disais, je vais utiliser de l'eau froide, très froide, je vais geler les microbes. Ma maman m'a dit, je suis pas sûr que ça les gèle vraiment, là, mais peut-être que tu vas me dire quelque chose d'incroyable. Ben, je veux te dire que à la chaleur qu'on utilise dans l'évier, dans le lavabo, ça change pas grand-chose. Et c'est selon une étude universitaire, encore une fois, parce qu'il faut avoir des bonnes sources dans la vie. Ben oui. Selon les chercheurs de Vanderbilt University, l'eau froide et du savon normal peut être aussi efficace que de l'eau chaude. Ah. C'est peut-être plus confortable pour toi d'utiliser de l'eau chaude. Et en fait, on te recommande de prendre ce que tu veux à peu près comme eau. Hein? Parce que ça ne se débarrassera pas des microbes plus que l'eau froide. Dans le fond, c'est Amanda R. Carrico, assistante à la recherche, professeure à l'université Vanderbilt Institute for Energy and Environment. Elle a expliqué ça au National Geographic. C'est vrai que la chaleur tue les bactéries, c'est une citation en passant de Mme Carrico. Donc, c'est vrai que ça tue les bactéries, mais si vous vouliez utiliser de l'eau chaude pour les tuer, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus chaude que ça. Elle explique que l'eau bouillante à 99,98 degrés Celsius, donc 212 degrés Fahrenheit, est souvent utilisée pour tuer des bactéries. Détruit les mains aussi. Là. C'est exactement ça, ça détruit les mains. L'eau chaude qu'on utilise pour les mains, d'habitude, c'est entre 40 et 55 degrés Celsius par rapport à presque 100 degrés Celsius tantôt. Donc, si on allait au plus haut, dans les 55 degrés Celsius et plus, ça pourrait tuer des pathogènes, mais aussi, si tu avais le contact avec l'eau trop longtemps, ça créerait des ampoules, bien sûr. Donc, Carrico dit qu'après avoir vraiment étudié les textes scientifiques et tout ça, son équipe a appris qu'il n'y a aucune évidence qui pointe vers le fait que l'eau chaude tuerait plus de bactéries. Donc, de l'eau même aussi froide que 4,4 degrés Celsius réduisait autant les bactéries avec du savon que de l'eau plus chaude. Lorsqu'on frottait vraiment bien et qu'on le faisait pendant une bonne durée de temps, en fait, on note que il faudrait, dans le meilleur des mondes, se chanter la chanson du Bonne Fête pendant qu'on se lave les mains, pour avoir au moins 20 secondes de frottage. Ah, OK. Bonne fête, Laurent. Ouais, Laurent. 20 secondes. Ou voulu, mon cher Laurent, c'est à ton tour. Peut-être c'est peut-être un peu plus long, ouais. Peut-être, ouais, peut-être un petit peu plus long. Oh, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow. Et de toute façon, j'imagine aussi que, tu sais, quand on tue des bactéries, mm-hmm. des mauvaises bactéries, on tue les bonnes aussi, donc de toute façon, ouais. Probablement. Et on dit aussi dans le National Geographic qu'on va économiser de l'argent sur l'eau chaude, bien sûr. C'est un bon conseil quand même pour, encore une fois, les étudiants qui payent leur loyer avec leur eau chaude à part. Et on devrait donc laver ses mains à une température confortable. Donc, ça peut être de l'eau plus tiède l'hiver, de l'eau plus froide l'été. Ça n'affecte absolument rien. Lavez-vous les mains comme ça vous tente. Et on va terminer avec un conseil. Encore, je sais pas pourquoi je veux en dire cibler ça vers les étudiants. Je sais pas si c'est parce que t'es là, Laurent, puis je veux vraiment comme vraiment te donner des conseils à toi, Laurent. Je t'écoute, Mathieu Plante. T'as une caisse de bière? Oui, oui, ouais. ça peut arriver, ces choses-là. Ça peut arriver que tu te gâtes un petit luxe de caisse de bière. Mais tu l'as transportée de place en place et c'est pas super pratique parce que tu veux la transporter alors que t'as déjà enlevé des bières dedans. Tu sais, quand t'ouvres ta caisse de bière, tu vas l'ouvrir par le côté. Oui, c'est ça. C'est plus facile de pogner une bière dedans, OK? Uh-huh. Mais là, tu perds l'aspect pogné parce que les bières vont tomber du côté de la bière. Ah, la boîte. OK, de ce point de vue-là, oui. Tu comprends la pognée sur le dessus. Ça peut arriver. Donc, tu veux transporter tout ça. On vous montre, il y a une photo sur assemblagerequis.com, comment découper la caisse de bière, mais c'est, je dirais même pas découper, juste une clé ou un canif pourrait faire l'affaire. C'est qu'autour du dessus de la boîte, c'est un petit peu difficile à expliquer à la radio, là. Mettons que tu regardes la boîte, elle est devant toi, à son horizontale, debout avec la pognée par en haut. Okay? Donc, tu vas faire une petite encoche de ton côté à toi, dans ton côté qui te fait face et le côté opposé autour de la poignée. Donc des petits carrés, OK? Uh-huh. Et le milieu, la poignée en tant que telle, va devenir une poignée. Dans le fond, ça va redevenir une poignée, tu comprends-tu? Tu vas pas poigner par le milieu. Okay. Tu as deux encoches sur les côtés de ta boîte, OK? Tu tiens par le milieu. J'avoue que c'est vraiment difficile à expliquer en 3D visuellement à la radio, mais allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Je vais aller voir ça. On va voir ça, tu vas pouvoir transporter ta caisse alors qu'il reste encore des bières dedans sans avoir à l'ouvrir par le côté. Moi, je trouve que c'est un très bon conseil. Dur à expliquer. Les liens sur assemblagerequis.com pour une dernière fois, c'est dit. Merci, Laurent, d'avoir participé à cette chronique. Merci de m'avoir invité. C'est pas trop pire. On s'est compris. C'est la première fois que j'y assistais à celle-là. Ouais. Ben, c'est pas mal. J'adore l'intro aussi, comme je l'ai dit tantôt. Donc, je te souhaite une bonne fin d'émission. Pour moi, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci, ben oui, Laurent, d'être resté. C'est vraiment fin. C'est super fin. Au retour de la pause, il va nous rester le poste d'écoute. On va découvrir un petit peu de musique dans la discothèque de C'est fou, comme Stéphanie le ferait habituellement. Mais je me sens capable aujourd'hui d'affronter ce défi musical. Mais pour l'instant, on prend un minuscule moment, juste pour nous et différents commerces qui veulent nous vendre des choses. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 16 octobre 2014. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Stéphanie Paradis est toujours en congé aujourd'hui. Dans quelques instants, je pense qu'on va se taper un petit son foutu palmarès. Je pense qu'on aurait juste le temps pour ça. Et après ça, à 9h, dans une vingtaine de minutes, on va faire le poste d'écoute. J'ai envie de découvrir des groupes qu'on a déjà dans le palmarès pour changer la formule un petit peu. Donc, des groupes qui m'ont vraiment intrigué dans les palmarès C'est fou depuis les dernières semaines. On va se faire une demi-heure complète de ça. C'est à partir de 9h. Mais pour l'instant, une chanson de Orange O'Clock, voici Belly Button. 89 FM, c'est fou! Every day she's drowning her stuff on the streets for money. Rope is tightening up and it's harder to breathe. Juggling with fire, only 18. She's young but begs to be older. She's living high and drunk, rock and roll. Tequila, pickers and packs of Marlboros. Done it all. She ain't got tears to cry. She's exhausted and weak. control and her mind, desperation seizing her. The suitcase full and too heavy to carry. Painkillers don't kill pain anymore. And I say no. No, you won't go. Yeah, I say no. Barry Melton par Orange O'Clock à Assemblage Requis. Mm-hmm. J'adore cette chanson-là, c'est une de mes préférées. Oui. Vous savez, tantôt, on a fait les instructions d'assemblage. C'était bien cool. On a appris comment mieux vivre pendant genre 40 minutes. C'était bien le fun. Là, c'est le moment d'établir une liste, mais dans le même genre de domaine. Donc, voici son foutu palmarès. Son foutu palmarès, on a établi une liste sur un sujet précis. Aujourd'hui, j'ai décidé de combiner un peu ça avec les instructions d'assemblage et même avec Sex Mess, ça devrait répondre là ou presque. Parce que c'est la liste, en fait, des brevets pour des racks pour tenir son verre. Tu sais, un genre de socle à verre, une place où mettre son verre de café ou peu importe. Imaginez, là, vous êtes en train de boire une liqueur, là, hein? C'est super bon. Dans l'autre main, vous avez votre téléphone cellulaire, hein? Vous êtes en train de partager ça sur Instagram que vous êtes en train de boire de la liqueur parce que vous n'avez pas de vie, tu sais, ce que les jeunes font de nos jours, là. Désolé pour l'insulte. Tout ça a bien du sens, mais là arrive un frisbee, hein? Ou une balle de baseball. Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu mettes ton café quelque part, tu sais. Donc, on a des brevets du US Patent Office pour tenir son verre à des endroits hétéroclites. Par exemple, le Luggage Cup Holder, qui se met à niveau lui-même, numéro d'enregistrement US 75 10 157 B2, bien sûr. Donc, dans le contexte de la vie moderne, du voyage et des affaires, on a besoin d'un porte-verre qui peut être mis à niveau automatiquement et qui peut être fixé à un bagage pour que tout ça tienne ensemble et c'est efficace. Hein? Voilà. Donc, la déshydratation pendant qu'on voyage, c'est évidemment la cause numéro un, hein, de voyageurs déshydratés. Je pense que ça a bien du sens de le dire. Donc, avoir son rafraîchissement avec soi, en tout temps, c'est la seule façon de combattre la déshydratation. Hein? Même la plupart des aéroports de nos jours et des stations de train n'ont pas de porte-verre partout. Outrage, comment ça se fait? T'sais? Donc, c'est pour ça que cette invention-là a été brevetée. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut l'acheter? Probablement pas, mais le brevet est passé. Voilà. Il y a aussi, ensuite, toujours sur la même liste, Luggage Cup Holder Non-Self-Leveling. Là, moi, je vois pas comment t'achèterais celui-là qui n'était pas à niveau, s'il y en avait un autre à niveau. Lui, c'est le numéro de brevet US 20-13-02-26-6-86-1, bien sûr. Les voyageurs vont souvent à l'aéroport et à d'autres endroits avec leurs bagages à roue dans une main, leurs items et articles personnels et un breuvage dans l'autre. Donc, c'est le même problème réglé différemment, mais plus pour les gens sédentaires, donc ils vont rester au même endroit. Ensuite, le Crib Cup Holder. Hein, pour tenir son verre après la bassinette de son enfant. Hein? Pour évidemment donner... En fait, c'est la raison que ce brevet-là existe, c'est pour permettre à son enfant de toujours avoir son verre d'eau, son sippy cup là, qu'on peut boire, même si on le renverse, ça tombe pas. Donc, en tout temps, dans sa bassinette, pour que le gardien, gardienne puisse lui laisser son verre sans avoir à le ramener tout le temps. Voilà. C'est reconnu, les enfants ont une très bonne coordination. Ils vont tout le temps remettre leur verre à leur place. C'est clair, c'est connu. Ensuite, le Buddy Mounted Cup Holder pour tenir son verre après sa cuisse. Numéro de brevet US 60-29-93-8A. L'invention de ce cup holder attaché à la cuisse d'une personne pour que ses mains puissent être libres pour faire d'autres tâches. Bien sûr, vous pourriez mettre une paille après ça dans votre verre. Moi, je trouve que ce serait parfait pour le cinéma. Il devrait vous fournir ça à l'entrée au cinéma Tiens, mets ça après ta cuisse, bonhomme. Ensuite, toujours dans la liste des porte-verres, des brevets de porte-verres aux États-Unis, bien sûr, c'est le Belt Buckle Cup Holder. Hein? Évidemment, pour mettre ça après sa ceinture, complètement rétractable, complètement impossible à distinguer ou à différencier d'une autre boucle de ceinture habituelle. On a juste à virer ça de bord et ça fait un porte-verre. C'est magnifique. Ensuite, Belt Clip Cup Holder, non rétractable ici, qu'on ne peut pas remettre en forme de boucle de ceinture normale comme le précédent. Donc celle-là, moi, je l'élimine tout de suite, ça n'a aucun sens. Si on a un modèle amélioré, j'en parle même pas. Le Toilet Stall Cup Holder pour mettre son verre dans la salle de bain. Ça, j'avoue que dans un centre d'achat, quand tu viens de finir un petit McDo ou peu importe, tu as ton verre de liqueur avec toi, où est-ce que tu le mets? Tu es obligé de le mettre des fois sur l'urinoir. Des fois, tu vas le mettre par terre. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de pire de mettre ça par terre? Donc, le brevet US 59-93-46-37A. Hein? Les gens qui vont, entre autres, au casino, qui vont jouer aux slot machines, vont souvent marcher dans le casino avec leur verre et les pièces de monnaie à l'intérieur, hein, qui viennent de gagner ou qui vont être utilisées pour leur prochain jeu. D'habitude, on trouve une place pour mettre son manteau dans la salle de bain, mais pas de place pour mettre son verre. C'est originaire de Vegas. Cette invention versatile qui peut accommoder des verres de liquide ou d'argent à l'intérieur de du cubicule, que je veux dire, de toilette. Ensuite, on reste dans la salle de bain pour le Urinal Cup Holder. Hein, bien sûr, invention pour pouvoir mettre son verre sur la toilette. En fait, ce que c'est un petit rack avec des ventouses sur le dessus et le côté gauche. Et on va ventouser ça, donc sur le côté de l'urinoir. Ça va dépasser un tout petit peu et son verre va pouvoir s'asseoir là-dessus. Évidemment, la plupart des urinoirs que moi je connais ont de la place pour mettre un verre facilement, une bouteille de bière même. Mais j'imagine que dans certains endroits, pour justement éviter les dégâts, probablement qu'on a changé les urinoirs pour que ça soit un petit peu plus courbé par en haut. Donc, ce serait pour ça que ce brevet existe. Le Pool Noodle Cup Holder. Bien sûr, quand t'es dans la piscine, hein? Dans la piscine, les nouilles de piscine environ de 2 à 4 pouces de diamètre sont souvent utilisées par les nageurs comme appareil flottaison, en tout cas, bref, dans l'eau. Donc, on aimerait pouvoir tenir son breuvage dans ce genre de choses-là qui, de toute façon, va flotter. Donc, on combine une nouille avec, au bout, un petit truc détachable. C'est vraiment au bout d'une nouille normale, il y aurait un truc détachable, c'est le brevet, pour pouvoir mettre sa liqueur ou sa bière dedans. Ce serait parfait. Hein? Le Umbrella Cup Holder, numéro de brevet 72-75-56-68-B1, qui vous permet de transporter des choses avec votre parapluie dans les mains. Hein? Quand même simple, ne laissez pas la pluie tout gâcher votre boisson. Et là, je regarde l'idée du brevet, le dessin a comme une trentaine de chiffres décrits dessus. C'est comme un genre de harnais. C'est n'importe quoi, c'est un harnais. OK, je comprends ce qu'ils veulent faire. Ils veulent même pas que tu aies à tenir ton parapluie dans ta main. C'est dans le fond, c'est le parapluie et le harnais deviennent un truc à boisson. Donc, par-dessus toi, des genres de sangles, c'est ça? Et d'un côté, tu as ta boisson et de l'autre côté, ton parapluie, tu es tout seul après ton affaire. C'est ça le brevet. Et finalement, le Wearable Cup Holder, je ne comprends pas ce que l'image représente du tout. Il y a un toutou dedans, OK? Avec un compartiment intérieur pour mettre ta boisson à l'intérieur du toutou. Je pense que c'est n'importe quoi, ça me rend mal à l'aise de lire ça. Donc, allez voir les dessins sur assemblagerequis.com. Ça ne rajoutera pas grand-chose à votre journée parce que c'est l'article le plus anodin que j'ai vu jusqu'à maintenant. Mais quand même un toutou pour tenir son verre. Et tant qu'à être dans les palmarès, continuons avec le top, la liste en fait, des inventions mignonnes d'il y a 100 ans. Hein, c'est Popular Mechanics qui, depuis toujours, montre les nouvelles idées, les nouvelles inventions. Peut-être des inventions un petit peu plus utiles que les porte-verres dont on vient de parler parce qu'on avait un trou à combler. Donc, commençons avec la table de cuisine électrique de 1917. Même au début du 20e siècle, il y avait beaucoup, on avait besoin de beaucoup d'équipements pour faire fonctionner une maison normale, que tout fonctionne à merveille dans la maison. Donc, l'Electrified Kitchen Cabinet était supposé aider la femme moderne. Évidemment, à l'époque, c'était toujours que les femmes qui restaient à la maison. Mais donc, les femmes modernes, de façon très, très spécifique, le kitchen cabinet pouvait pétrir, qu'on dit, le pain, pouvait trancher de la nourriture, pouvait faire de la crème glacée. Tout ça par du matériel connecté à des ceintures, genre, et des moteurs. Il y avait aussi un lave-vaisselle automatique à l'intérieur et une horloge. Une horloge pour... attends un peu. pour briser le circuit, pour enlever le circuit au bon moment, pour qu'on n'ait pas besoin de tout le temps faire attention à l'électricité qui était utilisée. Si, mettons, ça devait être la vaisselle qui partait, il y avait une horloge, une alarme qui allait arrêter le circuit pour arrêter le lave-vaisselle au bon moment. C'était la table de cuisine électrique en 1917. Ensuite, le Great Sea Tank, toujours en 1917. Donc, le Sea Tank qui a été soumis au Council of National Defense, la Défense nationale, en 1917, c'est supposé assister les offensives de l'armée, je pense. Bref, c'était un petit peu amphibie comme véhicule. Donc, le Sea Tank, qui était dans le fond deux... j'ai de la misère avec les termes. Attends un petit peu. Je sais que ça allait dans l'eau. Des moteurs très, très puissants qui étaient montés sur le côté de ça. Et puis, c'était un petit peu des détails techniques, mais bon, je le regarde visuellement. Là, c'est deux espèces de roues qui avançaient dans l'eau. En fait, qui tournaient dans l'eau pour l'armée. Bref. Ensuite, le bureau de travail convertible, ou je dirais presque décapotable, alors, toujours en 1917, une invention absolument fantastique. C'est un bureau convertible, donc dans le sens qu'on pouvait tasser les tablettes qui étaient sur le dessus du bureau pour faire une plus longue table de conférence, par exemple, et ensuite revenir à son état plus de bureau. Donc, ça économisait de l'espace. Et puis, tu pouvais en plus mettre des affaires dans le bureau par les fentes sur le dessus. C'est ce que je vois par la photo. Donc, on pouvait tout plier et déplier. C'est un bureau en 1917. C'était pour faire une table à dessin, la version plus longue, et non pas une table de conférence. Mais je pense qu'une petite conférence à 4-5 personnes, ça pourrait bien aller. Ensuite, un élévateur, un ascenseur qui se rendait jusqu'au sommet de Jungfrau. C'était en 1921. Un beau travail d'ingénierie ici qui aurait pu être construit si la Première Guerre mondiale n'avait pas eu lieu. En fait, ça n'a pas été construit. Est-ce que ça... Bref, le chemin de fer de Jungfrau a été construit sur une période de 16 ans. C'est terminé en 1912. C'est supposé augmenter le tourisme dans cette région particulière de la Suisse en amenant les passagers presque jusqu'au sommet de cette montagne célèbre. L'ascenseur était supposé les amener finalement jusqu'au bout. Donc, le train les amenait jusqu'à une bonne partie du chemin, finalement. Et l'ascenseur devait les monter à 2206 pieds dans les airs. L'ascenseur n'a jamais été fabriqué, mais la station de train Jungfrau est toujours la plus élevée dans le monde, avec un terminus en dessous de la montagne qui contient des cavernes et des tunnels qui sont faits pour les touristes. Ensuite, le Personal Submerger en 1921. Donc, c'est un bateau submergé, hein, qui était fait exclusivement pour le plaisir à la plage. Ça tombe dans la catégorie des bonnes idées, mais qui n'ont pas vraiment de sens pratique dans la vie. C'était ni un vrai sous-marin, ni un vrai bateau de vitesse, donc qui ne méritait pas ce titre-là, finalement. Donc, la profondeur jusqu'à laquelle ça pouvait aller était contrôlée par quatre trucs qui étaient montés sur les côtés du véhicule. Et c'était le conducteur qui contrôlait ça avec des pédales à pied. La roue contrôlait ce qu'on appelle un « rudder ». Et pour empêcher la noyade, il y avait une balle, un ballon qui était monté sur le côté de ce petit bateau-là. Lorsque la pression de l'eau dans le bateau faisait que la balle montait trop, ça allait appuyer sur un bouton qui coupait le moteur, ce qui empêchait le passager d'avoir les épaules trop profondément dans l'eau. Bref, je vous le décris virtuellement, ça a l'air d'une gigantesque balle de fusil avec un volant. Et la personne s'amuse à la plage avec ça. Ensuite, allons-y avec l'Auto Bungalow en 1918. L'Elaborate Auto Bungalow, ce prototype qui ressemble à d'autres véhicules récréatifs qui allaient avoir du succès plusieurs décennies plus tard, sauf que celui-là est un petit peu plus fancy, utilisé par le capitaine Charles Percival, le Chief of Staff du bureau des US Veterans of Foreign Wars, donc vétérans des guerres étrangères, alors qu'il faisait la tournée du pays, c'est le véhicule qu'il utilisait. Il y avait le corps, le... La carcasse du véhicule était en genre de bois, un peu comme les véhicules qu'on connaît tous, contreplaqués sur le côté, avec une place pour un bureau avec une machine à écrire, un lavabo et des armoires. Donc, c'était vraiment un utilitaire, un véhicule récréatif, un VR, un RV, mais à l'époque, en 1918. Ça a plus l'air d'une maison quand on regarde le dessin. C'est plus une maison qu'un véhicule. C'est une maison qui bouge et non pas un véhicule qui est adapté pour avoir l'air d'une maison. Bref. Ensuite, un vélocipède qui fonctionne avec les mains. C'était en 1918. Donc, la plus récente forme de transport à Paris était ce scooter qui fonctionnait avec les mains, donc manuellement. Un vélocipède qui avançait de la même façon un peu qu'un bateau qu'il faudrait ramer. Donc, dans le fond, on faisait le mouvement de ramer avec ses bras, mais avec les poignets à la place des rames, bien sûr. évidemment, à la place de le faire avec les pieds aussi. Ensuite, un jouet pour la cour arrière, 5 en 1. En 1918, donc le 5-in-1 Playground, pas du tout sécuritaire, nous dit-on. Donc, il y avait une glissoire qui était le point de départ pour tous les autres jouets. Donc, tu pouvais... dans le fond, t'avais un... comment t'avais ça, le truc qui fait des mouvements de va-et-vient d'un côté à l'autre, là? Un teeter-totter en anglais. T'avais des monkey bars aussi. Et puis, c'est ça, c'était tout ça combiné ensemble. Il fallait que tu enlèves des morceaux. Il fallait que tu enlèves la glissoire pour mettre d'autres morceaux pour faire les barres pour pouvoir avancer. Et bref, c'était pas super sécuritaire. Bref, voilà. C'était la liste plus ou moins réussie des inventions d'il y a 100 ans environ. Au retour, ça va être le poste d'écoute. On va découvrir un petit peu de musique. Là, je pense que ça va être bien de me la fermer un petit peu après du contenu comme celui-là. Donc, au retour, le poste d'écoute à Assemblage Requis. Restez avec nous, s'il vous plaît. Hein? Juste, mais tu sais, si ça vous tente. Je pense que ça vous tente. Même si c'était pas très bon, c'est pas meilleur ailleurs. <C'est>... Fou de découverte. 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 16 octobre 2014. Merci d'être resté avec nous. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui et on essaie de survivre sans elle. D'ailleurs, la dernière demi-heure va être consacrée à un hommage à Stéphanie Paradis parce que d'habitude, c'est elle qui fait le poste d'écoute d'Assemblage Requis où elle écoute des albums chez elle comme ça, constamment, trouve le meilleur de la gang, nous en fait entendre quatre pièces, nous parle du groupe. Moi, évidemment, je ne vais pas aller jusque-là aujourd'hui. Je vais juste remplir ma mission d'écoute de musique, parce que je trouve que c'est important de découvrir la musique des Palmarès. Donc, c'est ça, j'ai choisi Panama Wedding, qui est dans le Palmarès en ce moment, avec la chanson Feels Like Summer. Je me suis dit, on va commencer par Feels Like Summer pour vous rappeler la chanson qui est sur le Palmarès en ce moment. Et après ça, on va entendre deux autres pièces, les deux premières, hein, c'est plus simple. On va entendre All of the People et Uma, juste après Feels Like Summer. Dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Hey, j'aurais pu... Je dis ça comme ça, mais j'aurais pu... Mettons, mettre l'intro du poste d'écoute, tu sais. Mettons. Exemple. Et là, je pense que j'avais déjà dit tout le concept, donc pas vraiment besoin d'en parler plus, mais Panama Wedding... avec Feels Like Summer sur leur maxi Parallel Play. On écoute ça à l'instant dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. C'est un peu dans le désordre, je trouve. On présente la chronique, on met l'intro après. Cover page with the killer isn't done. People. you leave us wanting more? Pièce de Panama Wedding sur leur maxi Parallel Play. On vient d'entendre Uma, précédée de All of the People. Et on a débuté avec l'extrait qui est présentement sur le palmarès anglophone. C'est Feels Like Summer. Alors, site web, c'est panamawedding.tumblr.com. Ils sont sur Glassnote Music. C'est un groupe new-yorkais. New-yorkais, oui, c'est bien ça. Pas grand-chose à dire d'autre que c'est Peter Kirk, Kelly Bernard, Jared McCarthy et Brett Spiegelman. Ils sont sur SoundCloud aussi. J'ai été chercher quelques petites informations sur eux, mais je trouvais pas ça super intéressant. C'est la petite biographie bien simple. Leur chanson à succès, All of the People, les a menés à avoir comme des millions d'écoutes sur SoundCloud, ce qui les a menés à faire ce maxi Parallel Play. On écoute présentement des albums du palmarès anglophone pour se mettre encore plus de bonne musique dans les oreilles. Il y a une pièce qu'on adore comme Feels Like Summer. Je vais entendre le reste, c'est bien normal. Même chose pour The New Pornographers avec leur album le plus récent qui s'appelle Brill Bruisers. Leur pièce du même nom est sur le palmarès en ce moment. Donc allons l'entendre pour commencer. Suivront, pour commencer, Champions of Red Wine. En fait, après Brill Bruisers. Et ensuite Fantasy Fools. Ouais. On écoute ça à l'instant dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Yeah. D'écoute. memory, dreaming fever, the fortune seekers. What we wanted, deadly clear, we wanted rapture. Well, it's been here. The plan to launch a careful strategy is spread out. Pièce de l'album Brill Bruisers par The New Pornographers. On a débuté avec Brill Bruisers, qui est sur le palmarès anglophone en ce moment. Ensuite, on a eu Champions of Red Wine, et non Champions ainsi que Of Red Wine. C'est la même chanson. Et finalement, Fantasy Fools qui vient de terminer. New Pornographers, qui est un super groupe d'indie rock majoritairement canadien, formé en 97 à Vancouver. Leur musique est souvent décrite comme étant du power pop. Moi, j'adore New Pornographers. C'est pour ça que j'avais envie d'entendre plusieurs pièces de ce même album, Brill Bruisers. Je vous le conseille, j'ai écouté quelques autres pièces plus tard dans l'album pour essayer d'en trouver des bonnes pour mettre dans le palmarès un jour. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est dur de choisir. Voilà pour le poste d'écoute. Stéphanie reprendra le flambeau la semaine prochaine avec le concept, en fait, un petit peu plus recherché du poste d'écoute habituel. Ce sera jeudi prochain à 9h. Nous, par contre, ça va devoir être la fin pour cette édition d'Assemblage requis pour la semaine au complet. Oh non! Là, je suis seul à être triste, ça fait pathétique un peu. Mais on est de retour lundi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes, bien sûr, pour deux filles, deux styles d'émission. Tutu One, Tutu One, Tutu One, que je chanterais d'habitude en chœur avec Steph, mais là, ça, encore une fois, pathétique, c'est le mot de la journée. Donc, deux filles, deux styles d'émission à partir de 9h30. Ensuite, à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, c'est la série de documentaires créateurs de son. À 15h, à Livre ouvert, émission de littérature. À 16h, la rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Ça, c'est moi, entre autres. Il y en a plein d'autres, Mathieu Plante. À 19h, c'est 13e étage, l'émission d'électro-jazz éclectique. Et à 21h, Radio Sonic avec de la musique variée. Cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Les balado-diffusions, on se retrouve lundi à 6h30 pour un autre Assemblage Requis. On se quitte avec Philippe Brac et sa pièce Dans ma tête. À lundi. À ciao, bye. On est bien dans ma tête. On est une gang à se partager la fête. On est bien dans ma tête. Tout le monde se parle, personne s'écoute. Mais est-ce qu'on est bien dans ma tête? Y'a juste une chaise pis y'a pas de musique. Tout le monde se baisse quand j'prends la statique. J'veux pas finir comme mon vieux père dans un asile à chercher mon air. Pourtant c'est plus facile. J'serai jamais tout seul sur mon île, entouré par une bande d'avoriens qui aiment ça pleurer pour rien. We'll be right back.